quel intérêt pour un fournisseur d'énergie d'inciter ses clients à consommer moins ? L'intérêt général. Chez Plume Énergie, nous savons qu'il est urgent d'accélérer la décroissance énergétique. Alors, nous faisons tout pour que nos clients dépensent le moins possible notre énergie, pourtant 100% verte et 100% française. La décroissance énergétique, pour certains, c'est le monde à l'envers. Pour nous, c'est le monde de demain. Plume Énergie. Verte, locale, d'intérêt général. L'énergie est notre avenir, économisons-la, vraiment. Et on poursuit donc cette journée spéciale sur l'antenne de France Culture. Qu'est-ce que le Covid a fait à la science ? Thème récurrent dans les émissions que nous avons consacrées depuis le début à la pandémie. Mais à l'intérieur de cette thématique, il y a une interrogation, disons plutôt une incompréhension qui est revenue à plusieurs reprises et que nous voulions éclaircir aujourd'hui. Que s'est-il passé entre la médecine et la recherche depuis le début de l'épidémie ? Le dialogue a parfois pu être un peu amer, chargé de récriminations, les médecins se sentant abandonnés ou méprisés par les chercheurs et les chercheurs estimant que les médecins n'était pas légitime à prendre la parole. Médecine et recherche, un dialogue de sourds, c'est le programme Incommunicado qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour creuser ce lien complexe entre le corps médical et celui des chercheuses et des chercheurs, entre la clinique et le laboratoire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités. Nathan Peyfers-Madja, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin infectiologue, coordinateur du réseau des jeunes infectiologues français. Maëlle Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie des sciences médicales à la fac de médecine de Bordeaux. Et tiens, une revenante, Caroline Tourbe. Bonjour Caroline. Bonjour. Journaliste sciences et médecine pour le magazine Le Point. Mais on commence, bien comme chaque jour, par le tour de l'actualité scientifique et notamment des prix Nobel de la semaine avec le journal des sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le troisième prix Nobel scientifique, celui de chimie, a été décerné ce midi à deux femmes, l'américaine Jennifer Doudna et Cocorico, la française Emmanuelle Charpentier. Oui, pour la première fois, c'est une équipe entièrement féminine qui gagne le Nobel. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à aujourd'hui, seules 5 femmes ont déjà reçu ce prix depuis 1901. Elles sont à présent 7 pour 183 monsieur nobélisés. Ces deux généticiennes sont les pionnières de la méthode des ciseaux moléculaires, dit la méthode CRISPR-Cas9. Cette technique permet d'identifier un morceau d'ADN spécifique dans une cellule et de modifier cet ADN. Avec cette technologie, on a fait un bond de géant en médecine génétique et cet outil reste largement utilisé pour la recherche de nouveaux médicaments. Voilà, on y reviendra demain plus longuement dans le journal des sciences puisque ça ne vous aura pas échappé, c'est une journée spéciale sur France Culture, à journée spéciale, journal des sciences spéciale. Ce que le Covid a fait à la science, nous nous sommes posé une question quant à l'épidémie donc de coronavirus. Quelles sont les données dont dispose le gouvernement pour prendre ses décisions en termes de santé publique, Natacha? Entre les données du système d'information de dépistage, celles de Santé publique France, des bulletins épidémiologiques, il y a moult indicateurs utilisables. Alors pour y voir un peu plus clair, au niveau épidémiologique, il y a deux types d'indicateurs. Il y a l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par unité de temps, et il y a la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas à un moment donné. Par exemple, si on regarde du côté de la réanimation, l'incidence, ça va être le nombre de nouveaux patients admis sur un jour ou sur une semaine. Et la prévalence, ça va être le nombre de personnes actuellement en réanimation. Avec l'incidence, on peut mesurer la vitesse de l'épidémie. La prévalence, elle, nous renseigne plutôt sur l'état actuel de l'épidémie. C'est l'indicateur clé pour estimer la saturation du système hospitalier. Samuel Alizon est directeur de recherche au CNRS à Montpellier en biologie de l'évolution et en épidémiologie. Les deux mesures, incidence et prévalence, c'est les deux catégories de mesures. Après, vous pouvez mesurer cette incidence ou cette prévalence sur différents types de données. Vous avez trois grands types de données classiquement utilisées pour l'épidémie de coronavirus. Vous avez les tests de dépistage PCR, Vous avez les données d'hospitalisation, de réanimation, on regroupe un peu tout ça en fait, qui vont correspondre au nombre de cas sévères de Covid, et puis vous avez les décès. Donc chacune de ces trois types de données a ses avantages et ses inconvénients. La difficulté, c'est que on suit jamais toutes les personnes infectées, on suit toujours un échantillon de la population. Actuellement, suite aux exigences du gouvernement faisant que tout le monde puisse avoir accès aux tests, on a aujourd'hui une saturation en fait de ces tests. Donc ces tests sont devenus moins intéressants justement pour estimer les variations d'incidence, parce que si on voit un plafonnement du nombre de personnes positives, on ne sait pas vraiment si c'est dû à une limitation dans le nombre de tests ou à un plafonnement de l'épidémie. Les tests ont quand même un avantage qui est qu'on peut regarder les profils des personnes qui sont dépistées positives. C'est comme ça, par exemple, qu'on a pu voir qu'au cours de l'été, par exemple, la moyenne d'âge des personnes infectées avait diminué. Donc il y a d'autres informations dans ces tests que l'incidence ou la prévalence, qui est plus le portrait de l'épidémie, le portrait des personnes infectées. Donc aujourd'hui, le gros indicateur est quand même la prévalence en réanimation, c'est-à-dire la saturation des services de réanimation. C'est vraiment ça qui aujourd'hui fait bouger le gouvernement pour les réponses. Alors tous ces indicateurs sont à la fois observés à l'échelle régionale, départementale ou à l'échelle métropolitaine. C'est sur ces indicateurs que l'exécutif se base, mais aussi sur certains seuils à ne pas dépasser. Par exemple, lorsque le taux d'occupation des lits en réanimation dépasse les 30% sur une région. Reste à savoir quels chiffres motivent les décisions politiques. Bruno Lima, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique. Ces évolutions de valeurs d'indicateurs ont défini des seuils, et ces seuils, lorsqu'ils sont atteints, lorsque un des seuils est atteint, ou deux, ou trois, ou quatre, eh bien c'est autant d'éléments pour dire qu'il se passe un phénomène qui risque de prendre de l'ampleur et de saturer le système de soins. Sur quoi se base l'exécutif pour prendre des mesures restrictives? Par exemple, quand le gouvernement décide de fermer les bars ou les salles de sport, sur quelles données s'appuie-t-il à ce moment-là? La question est double en bout du compte. On a des indicateurs. Par contre, quelles sont les performances précises de chacun de ces indicateurs, c'est assez compliqué de pouvoir le dire. Et par exemple, si vous voulez, on sait que quand on prend je vais prendre un autre exemple, puisqu'il est vraiment très, très emblématique, quand on décide qu'on va fermer des bars. La logique de la fermeture du bar, c'est de dire, on sait que dans des espaces clos, ou dans des espaces où il n'y a plus de distanciation physique, parce que les gens sont sans masque, parce qu'ils sont proches les uns des autres, parce qu'ils sont debout, qu'ils le restent longtemps, que souvent ils parlent fort, voire ils chantent, etc. Eh bien, ces espaces-là sont des espaces où il y a un risque fort de mise en œuvre, de transmission. Donc, une des décisions que l'on peut prendre lorsqu'on a l'impression qu'il y a une dynamique épidémique qui est en train de s'installer, c'est de restreindre ou de supprimer ces lieux. Très simplement, réduire le risque. C'est très difficile de répondre à votre question parce qu'on ne sait pas mesurer l'impact de cette fermeture. Je ne suis pas capable de vous dire que ça va réduire de 10, 20, 30, 40%. Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais on sait que ça réduit. Puisque regardez, en pratique, ça a marché à Marseille. Voilà, autant pour les salles de sport en tout cas. On vous pouvait retrouver évidemment tous ces sons et les différentes études sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et en bref, pour conclure, selon une étude parue aujourd'hui dans BMC Médecine, le tabac altère le placenta des femmes, même lorsqu'elles arrêtent de fumer 3 mois avant leur grossesse. On connaît les conséquences du tabac sur les femmes enceintes. Une équipe INSERM révèle ses effets en amont sur le placenta des anciennes fumeuses. Les chercheurs ont analysé du placenta et du sang de cordon ombilical de plus de 500 femmes après leur accouchement. Elles ont été classées en 3 groupes. Les non-fumeuses, les ex-fumeuses qui ont arrêté dans les 3 mois avant de tomber enceinte, et les fumeuses. Pour les fumeuses, 178 régions du génome montrent des altérations de la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN, c'est ce qui peut provoquer des changements dans l'expression des gènes. Pour les anciennes fumeuses, ces altérations sont moins nombreuses, on en compte 26, mais elles sont situées sur des gènes qui tiennent un rôle important dans le développement du fœtus. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences, où on reviendra donc un peu plus largement sur ce prix Nobel de chimie attribué à Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier pour les ciseaux moléculaires et génétiques CRISPR-Cas9. Depuis le début de l'épidémie donc, se succèdent au micro ou sur les plateaux télé des experts et des expertes, des gens a priori qualifiés qui viennent expliquer dans la mesure de leur connaissance ce qu'est ce virus, comment il faut se comporter pour éviter de l'attraper, où en est la recherche, quelle est la phylogénie du virus, bref. Mais dans les rangs de ces fameuses expertes ou experts, eh bien, parfois il est difficile d'y voir clair. Ils sont pour qui ? Médecins de ville, cliniciens, parfois même ce furent des médecins devenus animateurs télé, parfois ce sont des chercheuses ou des chercheurs, des virologues, des généticiens. Mais si je vous dis infectiologue, chercheur ou médecin, épidémiologiste, virologue, bref, tout ça est parfois un peu confus. Comment s'est passé le dialogue entre la médecine qui recevait à l'hôpital puis en ville les patients et la recherche qui avançait tant bien que mal à marche forcée? Tout cela a donné lieu à un grand nombre de confusions et ce sont ces confusions que nous allons interroger aujourd'hui en commençant par ce reportage, nous sommes le 2 mars dernier, 15 jours avant le confinement, c'est diffusé sur France 3. Des recommandations de la part des autorités sanitaires, ce médecin n'en a pas reçu. Il déplore un manque d'informations. Les patients posent des questions, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas. Et dans la mesure où on n'a aucune communication directe, nous, de l'ARS, ben, on ne sait pas grand-chose et donc on essaye de rassurer les gens. Les médecins de base sont mal informés. Et ce n'est pas le seul problème. Pour se protéger et protéger les patients fragiles, il n'a que 8 masques qu'un confrère lui a donnés. Là, à Paris, cette généraliste astique, stéthoscope et poignée après chaque consultation. Elle se sent démunie. On est terriblement seul. Alors, donc il y a les médias. Moi, je me suis mis en contact avec un collègue qui est en face et où on s'appelle quasiment tous les jours pour savoir si l'un ou l'autre a une idée. Enfin bon. Ce soir, les syndicats de médecins libéraux réclament davantage de moyens et d'informations. Voilà, nous sommes donc 15 jours avant le confinement, le 2 mars sur France 3. Peut-être une réaction, Nathan Pfeiffer-Smadja, à ce désœuvrement, en tout cas, de la médecine de ville. L'épidémie est en train de gagner beaucoup de terrain. On a le sentiment que là, il y a effectivement une communication qui ne s'est pas faite vraiment de la recherche vers la médecine pratique généraliste, quoi. Je dirais que là, c'est effectivement le rôle de la médecine de ville dans le système global de santé publique. Et ce que dit cette personne, c'est plutôt qu'il y a un manque de communication des agences responsables, des agences administratives vers les praticiens et les médecins de ville notamment. Je suis pas certain qu'au 2 mars, on était au stade où la recherche pouvait déjà apporter beaucoup d'informations. Elle avait déjà joué un rôle qui était important, par exemple, dans le développement des PCR. Hein, les tests de diagnostic du virus, ils étaient prêts quand les premiers cas sont arrivés en Europe. Donc ça, c'est une recherche de biologie moléculaire qui a permis ça. Donc je pense à ce niveau-là, la médecine de ville, moi ce que j'ai constaté et ce que j'ai entendu de collègues en médecine de ville, c'était surtout le rôle d'information qui aurait dû être joué par des agences plutôt administratives, gouvernementales. Caroline Tourbe, c'est les agences, c'est les sociétés savantes qui n'ont pas été tout à fait au rendez-vous de la vulgarisation. C'est différent, hein, les sociétés savantes et les agences. Là, je pense que ce qu'on entend bien dans le reportage, c'est plutôt l'impression qu'il y a la médecine de ville et puis qu'il y a un État qui peut-être devrait relayer des informations de façon organisée et descendante et que ça, ils ont l'impression que ça ne se fait pas. Ils n'ont pas ces informations-là. Tout ce qui est société savante, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ça va être une organisation faite de spécialistes, donc dans une spécialité dont le travail, c'est d'être au fait de ce qui se fait de mieux dans cette spécialité-là et de communiquer vis-à-vis de ses adhérents, les adhérents de cette société savante, la science la plus... alors, on en discutera, donc. La plus prouvée et puis la plus je cherche le terme, enfin, actualisée. Voilà. Peut-être un mot, Maëlle Lemoine, juste vraiment à titre introductif, c'est-à-dire qu'on entend là la parole des médecins et on voit bien à quel point il peut y avoir finalement une sorte de dissonance, y compris pour le grand public, puisque eh bien, quand on commence à se sentir malade et qu'on voit qu'une épidémie rend tout le monde malade, on attend de son médecin qu'il ait une parole d'expert, alors que par ailleurs, on entend bien que les médecins eux-mêmes n'ont pas accès à cette parole d'expert. Complètement. Bah, en fait, ce que ça illustre très bien, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est que le médecin ou la figure du médecin dans l'imaginaire collectif, c'est une seule et même personne qui détient la connaissance médicale, alors que dans la réalité, c'est en fait évidemment une forêt de compétences, et même pas simplement de spécialités, mais même de métiers, qui n'ont parfois pas, que très peu de choses à voir les unes avec les autres. On s'attend à ce que le médecin sache et ait la réponse à tout. En fait, on ne frappe pas forcément à la bonne porte, c'est-à-dire on ne demande pas nécessairement au bon médecin. Peut-être qu'il y a eu aussi une confusion entretenue par nous-mêmes ou nos collègues et confrères des médias, Caroline, dans le sens où on a vu sur les plateaux télé, par exemple, s'exprimer des médecins ou des médecins avoir des paroles d'experts, alors même que ça a contribué finalement à cette confusion d'une certaine manière. Oui, c'était un point très intéressant à mon avis, parce que on s'est retrouvé donc dans une crise sanitaire qui a amené à venir en plateau ou à s'exprimer des gens qu'on voyait pas forcément s'exprimer dans les médias grand public auparavant. Donc on a vu à la télé, à la radio ou dans la presse écrite des gens qui pouvaient être en recherche fondamentale et qui d'habitude justement ne sont pas mis en avant sur leurs travaux, n'ont pas forcément non plus l'habitude de s'exprimer dans des médias. Et puis à côté d'eux, des gens qui vont être qui sont déjà des ténors des médias, qui ont déjà l'habitude de s'y exprimer, qui du coup vont pouvoir prendre l'ascendant, alors que sur le fond, c'est pas forcément eux qui à ce moment-là vont avoir les choses les plus intéressantes à raconter. Mais là, on est sur une difficulté de communication, encore une fois, et puis d'importance aussi de vulgarisation. C'est très compliqué de vulgariser des propos de recherche fondamentale, alors qu'à quelqu'un qui a l'habitude, encore une fois, de s'exprimer dans les médias, va pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Même si c'est moins intéressant ce qu'il raconte, on comprend, alors que l'autre, c'est peut-être plus intéressant, mais on le comprend pas. Et puis, on voyait surtout des gens sur des plateaux télé, surtout, mais pas uniquement, certainement également autour de micros de radio, qui venaient prendre la parole avec une position d'expert et qui parlait de points de vue très très différents, mais qui pour le grand public passait tout de même pour deux paroles expertes mises côte à côte, alors que finalement ce n'était pas tout à fait le même langage. Oui, en fait, bon, déjà il faut bien tenir compte des différentes phases de cette crise. Elle est toujours en cours d'évolution évidemment, malheureusement, mais faut bien faire attention. Ce qui se passe au tout début de la crise, c'est essentiellement une situation d'ignorance, d'incertitude et d'incertitude massive, c'est-à-dire qu'en fait les chercheurs sont en train de s'organiser et de se réorganiser autour de cette crise pour essayer d'y apporter des réponses. Ils ont des connaissances, évidemment, puisque ce coronavirus, ce n'est pas le seul coronavirus. On connaissait déjà un certain nombre de choses sur les coronavirus notamment, ou sur les infections virales en général. Donc on a déjà un certain nombre de connaissances, mais on ne sait pas à quel point elles s'appliquent dans ce cas, et on ne sait pas ce qui s'applique exactement. Donc en fait, vous avez des incertitudes qui font que les gens ont aussi des hypothèses, donc ils ont des explications fondamentales à donner d'un grand nombre de disciplines. Là, vous avez entendu Samuel Alizon dans votre reportage. Il va être spécialisé un certain nombre de choses sur notamment les dynamiques d'infection. L'épidémiologiste et modélisateur. Voilà. Et puis d'autres. Donc lui, il est modélisateur. Vous avez évidemment tout un tas d'autres compétences. Vous avez eu aussi des gens qui sont des grands immunologistes qui ont répondu pour parler de la réaction du système immunitaire face au virus. Donc tout ça, ce sont des spécialités ou des ensembles de spécialisations dans la recherche qui sont très différentes. Donc c'est normal qu'ils aient des voix extrêmement différentes les unes des autres. Nathan Peffers-Nadja. Oui, non, moi je crois qu'un point qui a été très important et dès le début et qui a été assez terrible, je pense, pour la recherche et pour la médecine, c'est que finalement dans cette situation d'incertitude, ce qui a été le plus entendu, c'était la certitude. Et c'était ceux qui affirmaient savoir, affirmaient détenir la connaissance avec des arguments souvent d'autorité et qui sont beaucoup mieux passés et qui ont beaucoup plus fait entendre ce qu'ils avaient à dire parce qu'ils disaient, moi je sais, c'est comme ça. Moi je sais, ça va pas être grave. Moi je sais, ce traitement, il va marcher. Je pense à l'hydroxychloroquine. Et on a mis énormément de temps à récupérer le terrain qui avait été perdu à ce niveau-là, puisque même aujourd'hui, les gens, parfois, ils nous disent, on a l'impression que personne n'est d'accord, qu'il y a deux opinions qui se valent, qui croire. Alors que pour l'ensemble de la communauté médicale et scientifique, il n'y a pas ça. Ça apparaît un peu dans les médias, cette contradiction, mais tout le monde est clair. Il n'y a plus un seul service d'infectiologie en France, en dehors de celui de Marseille, qui prescrit cette combinaison. Et hydroxychloroquine, azithromycine. Voilà, c'est ça. Et les sociétés savantes, finalement, moi, je trouve peine à se faire entendre et peine à faire comprendre qu'il y a un consensus, hormis quelques marginaux. Et on a toujours l'impression que c'est deux écoles qui s'affrontent. Ça, c'est un vrai problème. Oui, et puis on peut rajouter, pour conclure sur ce cas particulier, que dans la confusion globale qui était ajoutée, on a entendu Didier Raoult, pour le citer, dire « moi je suis un médecin, je soigne les gens », et dire « moi je suis un chercheur, je suis un grand épidémiologiste ». Et donc on ne comprenait plus rien à quelle était sa position exacte et quel était son rapport à la maladie. Oui, son rapport à la maladie, c'est le rapport de chercheur. C'est pas un rapport de médecin, c'est pas quelqu'un qui soigne. Il est dans une unité où il y a des gens qui sont hospital universitaire, voilà, ouais. qui sont médecins cliniciens. Mais là, c'est pas son cas. Donc, c'est un positionnement qui est compliqué peut-être aussi pour le grand public, parce qu'à partir du moment où quelqu'un dit je suis médecin, on va considérer qu'il soigne des patients. C'est pas toujours le cas. Il y a des médecins qui font un travail de chercheur et qui ne professeurs de médecine et qui sont quand même professeurs de médecine. Voilà. Donc, c'est aussi des choses qui doivent être dites dès le départ. C'est des défauts quelque part de présentation. Les gens sont dans des couloirs de compétences. Ils peuvent avoir un bagage d'études qui les amène à devenir médecin. Mais ils sont dans des couleurs de compétences et on va les en faire sortir aussi. On peut aussi se mettre à leur poser des questions qui n'ont rien à voir avec leur spécialité et se retrouvent obligés de répondre alors que ce n'est pas leur couloir de compétences, quoi. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous parlons donc dans le cadre de cette journée spéciale sur l'antenne de France Culture. Qu'est-ce que le Covid a changé la science ? Nous parlons donc des liens entre science et santé, pour le dire en utilisant des grandes catégories, entre médecine et recherche. Nous en parlons avec Nathan Peiffer-Smalja, qui est médecin infectiologue, Maëlle Lemoine, qui est professeur de philosophie des sciences médicales, et Caroline Tourbe, qui est journaliste. Alors, peut-être qu'on peut poser en fait une question qui est au centre peut-être de cet incompris, qui est aussi peut-être la question qui fâche, mais je vous la poser à vous, Maëlle Lemoine. Est-ce que la médecine est une science? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, la médecine, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est en fait énormément de choses. Et si on devait vraiment simplifier, on dirait que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une pratique médicale qui a des fondements scientifiques et il y a une science médicale qui, évidemment, n'a pas de sens si elle ne se prolonge pas dans une pratique. Voilà, donc il y a vraiment les deux. Nathan Peiffer-Smalja, votre point de vue sur cette vaste question. Oui, non, mais tout à fait. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Lemoine. Hein, et on le sent bien quand on pratique. Il y a quelque chose qui n'est pas régi par des règles scientifiques. Il y a parlé à quelqu'un, essayer de le rassurer, parler à une famille en deuil. Et puis il y a nos choix thérapeutiques qui doivent être soutenus par des données qui sont les données actualisées de la science, comme on discutait, et qui doivent le plus se rapprocher de données scientifiques, d'articles publiés, afin d'essayer de procurer le meilleur soin aux patients. Donc moi je suis tout à fait d'accord, il y a cette dichotomie et ça a été compliqué dans le débat autour de la Covid-19 de faire comprendre ces deux aspects et de les faire coexister finalement, l'aspect scientifique de la médecine et puis l'aspect parfois plus pratique. Caroline ? Mais sur l'hydroxychloroquine, c'est vrai que par exemple beaucoup de médecins se sont plaints d'avoir face à eux des patients qui, par exemple, il y avait deux situations, soit voulaient de l'hydroxychloroquine, soit réussi à s'en faire prescrire, en prenaient alors que a priori justement l'état des connaissances était encore au tout début très très faible, puis ensuite c'est plutôt allé vers le sens que ça ne fonctionnait pas l'hydroxychloroquine pour protéger contre le Covid-19. Et puis aussi face à des patients qui refusaient d'être inclus dans des essais cliniques pour vérifier si l'hydroxychloroquine fonctionnait ou pas, parce que eux ils en voulaient de toute façon. Donc ils voulaient pas participer à une avancée de la connaissance et ils voulaient l'hydroxychloroquine parce qu'ils considéraient qu'il leur fallait ne pas passer à côté de la moindre chance. Nathan Peiffer-Smalja, vous pouvez nous en dire un mot parce que je crois que vous êtes dans le comité de pilotage de Discovery et que ça a été un des handicaps de ce vaste essai clinique qui devait tester plusieurs molécules et qui a capoté en partie à cause de ce besoin ou de cette parole des patients qui ne voulaient rentrer que dans le bras hydroxychloroquine à cause du discours médiatique qu'il y avait autour de cette molécule. Oui, tout à fait. Donc bon, déjà c'est probablement pas un essai dont on peut dire qu'il a capoté, hein, parce que c'est un des essais européens académiques qui a le plus inclus. Alors on peut pas le comparer à l'essai britannique qui a eu beaucoup plus d'inclusion, mais il est à l'origine d'une plateforme européenne d'essais cliniques et ça a fait en sorte que la France soit le deuxième pays en termes d'inclusion dans l'essai international Solidarity, qui est le plus gros essai clinique autour des patients Covid. Donc c'est un essai qui a eu un franc succès, mais évidemment, moi je l'ai vu dans le service quand j'étais de garde, les gens pensaient que l'hydroxychloroquine marchait ou arrivaient avec une prescription de leur médecin généraliste d'hydroxychloroquine, et il était impossible d'évaluer l'effet de traitement ou de randomiser un patient entre plusieurs traitements antiviraux quand il avait déjà un traitement antiviral, puisqu'on ne sait plus faire la différence entre ce qui est le fait du traitement antiviral qu'on veut lui administrer ou ce qu'il avait déjà pris avant. Donc ça a évidemment ralenti les inclusions dans un contexte où il y a un moment où franchement on n'entendait que ça, c'est-à-dire il était très difficile de faire entendre à quelqu'un cette molécule, on ne sait pas si elle marche. Bon, on va pas refaire le procès, c'est pas un procès, mais en tout cas refaire l'histoire de l'hydroxychloroquine, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, peut-être même d'ailleurs un peu trop. J'aimerais qu'on revienne à cette question des liens qu'il peut y avoir entre médecine et recherche médicale. Yves Nogent, qui est médecin anesthésiste, disait ceci, et je trouve ça intéressant, il dit on peut être un très bon technicien, un excellent chirurgien, un parfait faiseur d'images complexes, un extraordinaire biologiste ou biochimiste, et ne pas raisonner scientifiquement. On peut donc être un bon médecin très expérimenté et très intuitif, rendre de grands services et malheureusement se tromper lourdement et souvent. Mais le moine, ça veut dire que la parole médicale à proprement parler sur l'épidémie, de facto, aurait dû être plus souvent disqualifiée dans les médias. Disqualifiée, je ne sais pas, mais relativisée, elle doit prendre sa place et toute sa place. Là, par exemple, on a entendu, encore une fois, je reviens à l'intervention de Samuel Alizon, il n'est pas médecin, Samuel Alizon, et il a une parole qui est évidemment tout à fait compétente. Donc en fait, il faut entendre et comprendre ça, que sur des questions de santé, c'est pas toujours un médecin qu'on doit entendre parler, et surtout qu'un médecin qui parle sur une question de santé ne dit pas toujours ou n'a pas nécessairement toujours à dire des choses qui sont pertinentes. Donc en fait, il y a à nuancer et à apprendre qu'il y a des compétences extrêmement différentes. Au simple niveau de la recherche, dans les équipes de recherche biomédicale, en fait, les médecins sont minoritaires. Ils sont présents et très importants. Ils sont même indispensables, mais ils sont minoritaires. Vous avez des biologistes, vous avez des mathématiciens, il y a de tout, des physiciens, vous avez de toutes sortes de spécialités et qui, c'est vrai, sont beaucoup moins dans la lumière, on va dire, on les voit beaucoup moins. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement peut-être à la source de cette incompréhension, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, on va y retourner là, dans quelques secondes, les médecins qui, alors c'est vrai que les premiers médecins qui ont été en contact direct avec la maladie étaient plutôt les médecins hospitaliers que les médecins de ville. Mais vous allez voir que les médecins de ville se sont retrouvés relativement vite désemparés. On est allé justement interroger un médecin généraliste au tout début de la prise en charge jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir que ces débuts notamment et pendant le confinement ont été compliqués à gérer. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre du président de la Société française de médecine générale. Oui, il s'agit de Philippe Boineau qui est également médecin généraliste dans une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle dans le Val d'Oise. L'Agence régionale de santé, l'ARS, a fait de cette MSP un centre Covid durant la période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Alors si les médecins ont l'habitude de faire face à l'inconnu, d'autres points plus complexes ont surgi durant l'épidémie de SARS-CoV-2. Il a fallu par exemple apprendre à travailler au jour le jour avec des informations nouvelles et parfois contradictoires concernant le virus. Un autre défi a été de maintenir le contact, malgré la distance, avec des patients atteints d'autres maladies que le coronavirus, tout en gérant pour d'autres patients l'incertitude diagnostique propre au métier de médecin généraliste. La première chose, c'est que nous, on avait déjà une réflexion sur les épidémies de grippe. C'est-à-dire qu'on avait déjà, depuis plusieurs années, réfléchi à comment gérer l'épidémie de grippe au mieux pour éviter la dispersion du virus. Donc on avait déjà une petite culture de réflexion qui n'avait rien à voir en intensité, je dirais, avec ce qui nous est arrivé, mais qui nous avait déjà permis d'anticiper un certain nombre de choses. Après, depuis 6 mois, j'ai presque envie de dire qu'on est au jour le jour. C'est-à-dire que, en fonction des annonces, de ce qui se passe, on réadapte notre organisation. Alors, au jour le jour, c'est un peu trop, mais il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une modification, quoi. Comment vous avez interagi avec les chercheurs, biologistes, virologistes, etc.? En tant que médecin généraliste, il n'y a aucune interaction. On a les annonces comme le français moyen par la télé ou la radio, si on l'écoute encore. Et puis, pour notre métier, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Il y a surtout eu beaucoup d'impréparation, de système D, de réflexion avec des collègues, d'organisation sur le terrain, au mieux de ce que l'on pouvait faire pour les patients. Sachant que gérer l'incertitude, ça fait partie de notre métier au quotidien. Donc on était dans une ampleur nouvelle, mais dans quelque chose qu'on savait faire. Est-ce que à ce moment-là, où il y a eu une espèce de sensation d'isolement en tant que médecin généraliste vis-à-vis de toutes ces incertitudes qui nous arrivaient, et en plus des incertitudes des patients qui vous sollicitaient ? En travaillant à MSP, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir avec mes collègues. Et donc ce sentiment d'isolement, il était plus pour la structure que pour moi en tant qu'individu. C'est vrai que vis-à-vis de nos tutelles, on était un peu dans le flou des attentes. Et aujourd'hui, c'est pas toujours très clair entre ce qui est souhaitable, ce qui est possible, ce que l'on fait. Il y a des fois un grand écart qui est pas toujours confortable. Est-ce qu'il y a eu des questions récurrentes de patients auxquelles vous ne pouviez pas répondre et que vous avez dû malgré tout traiter ? Il y a eu deux points très importants qui, à mon avis, étaient difficiles à gérer. Le premier, ça a été dans les 2 premiers mois de l'épidémie, le fait qu'on a demandé aux patients, quand ils étaient malades, de rester chez eux et de ne pas aller voir leur médecin. Ce qui, pour nous, était assez grave, finalement, parce que, évidemment, que tout patient qui avait des symptômes n'était pas Covid. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des patients qui n'allaient pas montrer leurs problèmes à leur médecin et pouvaient possiblement se retrouver avec quelque chose de grave. Et donc ça a été vraiment une erreur. On le ressent encore, il y a encore des gens qui nous disent « Ah ben, j'ai tel problème qui traîne depuis 6 mois, mais vous aviez autre chose à faire que me voir, et donc je suis pas venu en consultation. » Donc ça, c'était quelque chose qui, à mon avis, porte préjudice aux patients. Et la deuxième, qui est en rapport avec notre gestion de l'incertitude, en fait, on a fait croire à l'ensemble de la population que tout problème de santé était la Covid, quoi. J'exagère un peu en disant ça, mais pas loin. C'est-à-dire que toute fièvre, tout nez qui coule, on lui colle une étiquette. Alors que notre pratique quotidienne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on part de la clinique pour essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait être. Et évidemment, cette période-là, le diagnostic ou l'hypothèse d'une atteinte par le virus Covid, enfin le SRAS, est possible. Mais c'est loin d'être le seul problème qui se pose actuellement. Et ça, là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça mettait une étiquette de diagnostic sur quelque chose qui était, par essence, une incertitude diagnostique. Est-ce que cette épidémie de coronavirus a transformé la pratique de la médecine générale, va la transformer ou pas ? Alors, c'est une réflexion qu'on a, parce que évidemment que ça a transformé notre quotidien par les contraintes que ça a imposées, par ne serait-ce que le masque au quotidien, des choses comme ça, très concrètes qui ont modifié notre quotidien. Néanmoins, je dirais presque qu'on est revenu à des fondamentaux de notre pratique qui est la clinique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand un patient vient nous voir avec des symptômes, comment on le prend en charge et comment on gère cette incertitude clinique qui, encore une fois, et la base de notre pratique, puisque dans les études qui ont été faites, on montre que avant cette épidémie, 70% de notre pratique était en incertitude diagnostique. Je pense que c'est une grande chance qui malheureusement a été sous-utilisée d'avoir 50 000 professionnels sur le terrain qui savent gérer l'incertitude clinique. Je reviens un petit peu à ma question tout à l'heure sur les moyens que vous aviez de vous informer. Est-ce que vous aviez quand même des directives du ministère de la Santé un peu particulières, des communiqués qui vous parvenaient ? Oui, tout à l'heure, moi, je parlais par rapport à la recherche. Hein, donc, oui. Le lien avec la recherche n'existe toujours pas. On n'a pas de toute façon, il n'y a pas d'avancée majeure en termes de recherche. Mais en termes d'organisation, oui, on a eu, comme tout le monde, notre lot de directives, soit de l'ARS, soit de la DGS, avec une difficulté à gérer parce que, d'abord, notre sentiment, c'est que, au départ, il y avait 5 mesures barrières, très simples. Et que tout le monde a transformé ça en 30, 40, 50 pages qui changeaient régulièrement et que nous, on était incapables de suivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, trop de directives tuent les directives, hein, je dirais assez simplement. La chose importante, je pense que c'est de faire confiance aux professionnels de terrain. Il faut les écouter parce que là, on va arriver dans une période où on va avoir à la fois la suite de cette épidémie, même si elle est moins importante que ce qu'on a vécu en mars et avril, mais aussi on va avoir bientôt l'épidémie de grippe, donc il va falloir faire avec ces deux épidémies. Et là, pour le coup, la gestion de l'incertitude, il va falloir la remettre en avant. Voilà ce témoignage donc du président de la Société française de médecine générale où on entend beaucoup de choses, je trouve assez passionnantes, hein, sur la réalité du terrain, de la pratique médicale de ces médecins de ville. Peut-être une réaction sans orientation de ma part pour commencer, Nathan Peyfers-Madja, à ce que vous venez d'entendre. Oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que le fait qu'on soit confronté à une pathologie qui est toute nouvelle, ce qui est pas fréquent, hein, a montré aussi bien l'importance de la pratique médicale et de la connaissance médicale. Et je pense qu'il le dit très bien. C'est-à-dire, bon, un exemple concret, on a l'habitude de traiter des patients avec des maladies très inflammatoires comme Covid, donc on a mis en place des anticoagulants. Voilà, c'est une connaissance médicale simple qu'on a l'habitude de manier. Et d'un autre côté, bah ça a aussi montré l'importance de la recherche et notamment de la recherche clinique, parce que tout ce sur quoi se base qualité de notre soin, eh bien, ça dépendait des résultats de la recherche clinique. Donc, je parlais des anticoagulants, on les a mis parce que les patients étaient inflammatoires, mais on connaît toujours pas la dose et ça va probablement des essais cliniques qui vont bientôt être publiés. On ne savait pas quel antiviral à mettre en place ou instaurer. Dans ce cas-là, c'est à nouveau la recherche clinique. Et même sur les modes de transmission, c'est la même chose. On avait des connaissances sur les modes de transmission des coronavirus qu'on a utilisés et pourtant, on en apprend toujours. Hein. Vous avez vu, le CDC hier ou aujourd'hui a changé pour dire que effectivement, il y avait un risque d'aérosolisation de la maladie et donc ce mode de transmission était probablement important dans la transmission de la maladie. Donc il y a vraiment eu ces deux aspects extrêmement importants dans la pratique au jour le jour. Le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies américain, juste pour préciser. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Maëlle Lemoine. En fait, ce qui est frappant, je trouve, sur la question du lien entre justement la pratique médicale de ville, comme on l'appelle, et la recherche, c'est en fait l'extraordinaire raccourci que la crise a imposé. Effet de loupe et raccourci. C'est-à-dire que normalement, on a affaire à une chaîne qui est longue dans le temps, qui prend du temps. C'est-à-dire que vous avez des premières découvertes fondamentales qui commencent, on va dire, et puis ça se développe progressivement. Ça marche pas. On a des modèles animaux, on passe à des modèles humains. Ça prend des années et des années. Et puis tout en bout de chaîne, vous avez à la fin un traitement pour lequel il faut déterminer une dose, etc., une prescription et tout ça. Et là, vous avez tout d'un coup des médecins qui sont face à des patients un peu désemparés et très inquiets. Qui sont eux-mêmes un peu désemparés, on l'a entendu, hein, la gestion de l'incertitude au jour le jour, comme le dit. Exactement. Et là, il n'y a rien à dire de particulier à ces médecins. Il n'y a pas de consignes précises à leur donner en dehors de ce qu'on sait et ce qu'on fait habituellement, parce que tout simplement, on n'a rien de spécifique à faire pour le moment. Et donc, il y a cet effet, en fait, temporel, je pense, qui est important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, en même temps, se mettent en marche tout un tas de logiques qui se télescopent et qui, habituellement, sont, plus étalées dans le temps. C'est-à-dire que vous avez tous les chercheurs, donc les épidémiologistes, en même temps que les infectiologues, les immunos, etc. Tout le monde on commence à organiser des essais cliniques, on fait de la recherche fondamentale en éprouvette, on essaie de déterminer les modalités de transmission. En même temps qu'on teste, on fait ce qu'on appelle du repositionnement, c'est-à-dire qu'on essaie de tester des molécules qu'on connaît déjà pour voir si elles peuvent avoir un effet intéressant dans le cas de cette infection nouvelle. Et tout ça arrive en même temps, alors que d'habitude, ça s'étale dans le temps. Caroline Taube. C'est intéressant ce que racontait ce médecin généraliste. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention. C'est quand lui dit qu'en tant que médecin, il apprend par les médias qu'il y a des pistes qui sont développées. Ouais. Voilà, la télé-radio. Moi, si je peux parler de mon expérience de journaliste scientifique, santé, donc je travaille au Point actuellement, mais j'ai travaillé pendant longtemps à Science et Vie, donc avant cette crise. Et donc, j'ai eu l'habitude de traiter de sujets qui étaient des molécules en développement, sur des modèles animaux, ou alors uniquement in vitro, voilà, d'avoir ce temps-là, de pouvoir donc écrire des papiers ou dire on est sur une piste, c'est une piste intéressante, c'est prometteur. Et je me suis retrouvée, moi, en tant que journaliste, dans une situation où si j'écrivais ça, ça pouvait amener immédiatement des médecins à être confrontés à des questions avec des gens qui sont malades et qui étaient dans une urgence de réponse, qui faisait que cette façon de présenter des données scientifiques, des données fondamentales, des données préliminaires est devenue complexe. Moi, je me suis posé la question. Il y a plusieurs choses comme ça où dans le traitement médiatique qui a pu en être fait, je me suis dit que on exposait à les patients, les médecins, à presque un risque, non pas un risque sanitaire, mais je veux dire, un risque de se perdre dans l'info, et qu'il fallait y aller avec des pincettes. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette dynamique-là. On va continuer à explorer un peu ces liens qu'il peut y avoir entre médecine et recherche, mais on a entendu la médecine de ville, on va évidemment parler de la médecine hospitalière, de ce que la recherche nécessite pour pouvoir bien avancer, pour pouvoir avoir des données, pour pouvoir, penser le futur et se rendre compte que bien tous ces domaines ne fonctionnent pas exactement ni sur le même espace ni sur la même temporalité dans quelques instants. Souvent lorsque ça va mal, quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque, pour me mettre dans le vert, je connais un bon moyen, dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter. du silicate amérique, le magnésium, du parbusulfur gaïacolate de potassium, du glycéro hydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène autocopérol, du gaz oxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfonatropédamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alinisopropyl orbiturique, de l'éthabasil ammoniocotyl phosphorique, de l'acétylaménéphénylarcinazole, du gaz oxypropanédiol en capsule. Chaque fois que j'ai essayé de la faire en karaoké, je me suis planté sur celle-là, je ne sais pas pourquoi. C'est du chrysoxypropanédiol en capsule de Ginette Garcin à 16h38 sur France Culture, c'est avec plaisir. Mon réalisateur, je me suis entraîné toute la journée pour essayer de dire ce titre. Nous parlons donc des liens entre médecine et recherche dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et de cette journée spéciale sur l'antenne de France Culture. Tout au long de la journée, tous les programmes ont adapté leur thématique autour de cette question. Qu'est-ce que le Covid a changé à la science? Nous en parlons ici avec Nathan Peyfers-Madja, qui est médecin infectiologue, coordinateur du réseau des jeunes infectiologues français, avec Maëlle Lemoine, qui est professeur de philosophie des sciences médicales à la Fac de médecine de Bordeaux, et avec Caroline Tourbe, journaliste sciences et médecine au magazine Le Point. Alors, si on regarde tout de même un peu, et si on quitte un instant, mais on y reviendra, la médecine de ville, pour regarder la médecine hospitalière, et comprend en fait un peu le problème dans le sens inverse, on se rend compte, et c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, Nathan Peyfers-Madja, et Maëlle Lemoine aussi, c'est de la médecine hospitalière aujourd'hui que sont venus les principaux progrès dans le traitement de la maladie, c'est-à-dire que la réduction de mortalité en réanimation, elle vient de la pratique empirique de la médecine, c'est-à-dire de la diminution de la ventilation mécanique, de l'ajout de corticostéroïdes, et on a tout de même réussi à faire chuter le taux de mortalité de 50% en réanimation, alors que aujourd'hui, pour le moment en tout cas, la recherche n'a produit aucune molécule, même repositionnée, qui vienne s'ajouter en tout cas hors des essais cliniques, à l'arsenal des médecins qui traitent en hôpital. Donc finalement, pour le moment, tous les progrès qu'on fait viennent de la médecine et pas de la recherche, Nathan Peyfers-Madja. Alors, la médecine hospitalière, on a, je pense, la chance d'avoir les CHU, les centres hospitalo-universitaires, où le lien entre les équipes de recherche, et notamment les équipes de recherche clinique, et les praticiens hospitaliers, et les médecins à l'hôpital, est extrêmement, c'est un lien qui est très proche. Et donc, ça a permis de faire avancer assez vite les choses. Et je pense, vous avez raison, c'est la médecine et c'est des considérations empiriques qui ont principalement modifié les prises en charge, mais ces considérations empiriques, elles sont venues modifier les prises en charge quand elles ont été intégrées dans des travaux de recherche qui sont les seuls qui permettent de communiquer avec le reste de la communauté médicale et scientifique. Et en fait, même les modalités de ventilation, c'est des articles dont on parle peut-être moins parce que c'est des articles techniques et spécialisés dans des journaux de réanimation, mais on a dit on va faire du décubitus ventral même avant l'intubation, ça a été publié, on va essayer de retarder avec des techniques d'oxygénothérapie au débit l'intubation parce que c'est des patients qui, une fois intubés, font un syndrome inflammatoire extrêmement sévère pulmonaire, et ça a été publié rapidement par les équipes, et c'est ça qui a fait modifier les pratiques. Donc ça a quand même été de la recherche, mais de la recherche extrêmement clinique, et de la recherche extrêmement médicale, effectivement. Caroline Tourbe. Oui, c'est un peu un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a souvent eu dans les modifications de la pratique et de la prise en charge des patients Covid, une intuition, souvent, une expertise clinique, c'est-à-dire qu'il s'avère que, par exemple, quand on prend les corticoïdes, on sait que c'est des anti-inflammatoires, on a l'expertise que ça fonctionne, que ça peut être donné à ce type de patient, voilà. Et puis, de la science, c'est-à-dire de la recherche clinique, une démonstration qui vient confirmer que l'expertise clinique était la bonne et que donc l'intuition était la bonne. Et en faisant ce chemin-là, donc c'est vrai que ça part de l'homme, ça part du médecin, ça part de cette intuition, quelque chose très humain, mais ça descend jusqu'à la science et à la démonstration et à la médecine qui va être basée sur les preuves. La evidence-based medicine, on y reviendra. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que cette recherche clinique particulière, on est sur une recherche qui est une recherche médicale au plus près du patient, au plus près des cas. On n'est pas encore dans la recherche universelle qui crée son propre terrain d'expérimentation. On est face au patient et d'un seul coup, on est sur des petites cohortes où d'un seul coup, on constate empiriquement que quelque chose marche. On est très proche là de la démarche médicale, plus que de la démarche de la chercheuse ou du chercheur qui va travailler dans un laboratoire dans des conditions expérimentales qui sont, elles, complètement maîtrisées. Oui, c'est une recherche qui se voit moins, mais qui continue et qui existe constamment. Elle fait partie de l'ensemble, du vaste ensemble de la recherche qui constitue la recherche médicale. Donc c'est un aspect qui est fondamental. parle. Après, il y a juste un point sur lequel je suis pas complètement d'accord avec vous, mais c'est juste une question de formulation. C'est pas vraiment des intuitions. En fait, ça vient d'un ensemble de connaissances préalables qu'on a sur les. Bon, ben voilà, c'est. Oui, c'est l'expertise clinique. Voilà, c'est ça. C'est l'expertise clinique. On l'appelle parfois intuition parce que moi, je pense que ça flatte le médecin de parler d'intuition, mais c'est pas vraiment de l'intuition. C'est des connaissances. C'est, à mon avis, c'est plus noble de le dire comme ça d'ailleurs. C'est qu'ils savent des choses sur les infections, sur la prise en charge de ces patients, et ils l'essayent dans le cadre d'une maladie nouvelle qui effectivement n'est pas complètement inédite. Donc forcément, il y a des choses qui vont marcher et puis il y a des ajustements à faire. Et cette recherche, elle est fondamentale, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus modeste, elle se voit moins dans la... Ben voilà, elle va pas être couverte par une publication dans Nature ou par les grands médias. C'est ce que vous disiez, Nathan Pfeiffer. Déjà, on en a vu parce que vous parliez, par exemple, des revues de réanimation. C'est vrai que dans la méthode scientifique, à un moment donné, quand il s'est posé la question d'une surmortalité en réanimation à cause de la ventilation mécanique, on a commencé à fouiller. C'est vrai que ce sont des revues professionnelles, en fait, qui sont, enfin, vraiment destinées à un corps de métier particulier. Et c'est pourtant dans ces revues-là que se sont passées un certain nombre d'avancées dans la prise en charge, hein, encore une fois, ou dans l'amélioration de la prise en charge pour en arriver au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Oui, bah, tout à fait. Et je pense notamment que cette recherche clinique, elle est extrêmement forte en France. Hein. Il faut voir notamment en réanimation, beaucoup des grands journaux de réanimation, dans le comité éditorial, il y a des Français. Il y a beaucoup de publications d'extrêmement bonne qualité qui sont des publications faites en France. Donc, il y a un très fort lien. Il y a une recherche clinique qui est très active. Et après, vous le disiez, hein, probablement ce qui va arriver de la recherche plus fondamentale, ça va être la deuxième vague qui sera tout aussi utile, c'est les vaccins. Mmh. Le développement de vaccins, ça, c'est pas de la recherche clinique ou médicale, hein. C'est de la recherche industrielle beaucoup, et puis après ça vient de recherche ou académique, hein, par ailleurs. Moléculaire et académique, voilà, c'est ça, et ça va être extrêmement important dans le contrôle de l'épidémie, donc c'est vraiment, il y a une articulation qui est ultra importante. Et je dirais, juste pour revenir un peu à la médecine de ville, peut-être que ça aussi c'est un point qu'il faut vraiment retenir, c'est la recherche clinique est beaucoup moins puissante et beaucoup moins ancrée dans la médecine de ville, et ça c'est un problème auquel on a été confronté en France. Il y a eu des essais, hein, ambulatoires, mais ça a été plus compliqué. Il y a moins encore ces réseaux. Benoît Tudrège, qui est membre du Collège universitaire de médecine générale à l'Université Claude Bernard à Lyon, disait « On ne peut pas baser toute une politique de santé publique dans la gestion d'une épidémie sur des données uniquement hospitalières. » Or, c'est pour le moment ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on s'est basé, les premières données étaient sur, notamment au printemps, alors un peu moins maintenant, mais au printemps, on n'a pas du tout associé, c'est ce qu'on entendait un peu dans le reportage, la médecine de ville dans les données d'épidémiologie, dans les données de recherche. Il n'y a pas eu de retour bottom-up, comme on dit. Nathan Pfeiffer, je cherche aussi, pour ne pas me tromper entre l'un et l'autre. Non, tout à fait. Il y a eu des initiatives intéressantes en médecine ambulatoire, et notamment il y en a une qui a été faite à Bordeaux, qui est un essai dont on a beaucoup moins parlé, un essai clinique qui s'appelle Coverage, qui visait à essayer des molécules thérapeutiques chez des patients ambulatoires pour éviter qu'ils s'aggravent, hein, puisqu'il y a un vrai enjeu là. Hein. Et effectivement, il y a plus d'obstacles réglementaires, c'est plus difficile à organiser, parce que c'est pas des centres où tout est sur place, hein, comme les CHU, mais c'est plein de cabinets et c'est plus difficile de faire de la recherche clinique. Donc ça, à mon avis, c'est un message qui est une leçon à tirer extrêmement importante. C'est celle de renforcer et d'aider les réseaux de médecine générale de recherche à se mettre en place, de les financer, hein, parce que c'est beaucoup un problème de manque de financement, et puis de les intégrer complètement, hein, dans les CHU et dans les filières de recherche clinique. Caroline Tourbe, comment est-ce qu'on explique justement que c'est ce type de recherche, que ce soit la recherche clinique ou que ça écrète moins dans les médias, qu'on s'intéresse, vous comme nous, à la recherche de vaccins, à la recherche de remèdes, et qu'on est moins, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis de cette recherche clinique vraiment sur le terrain, de cette recherche médicale qui a pourtant des résultats, et des résultats très probants, et aujourd'hui, encore une fois, les seuls résultats un peu probants dans le traitement de la maladie. Comment on l'explique? Je ne sais pas. C'est une très bonne question que vous me posez, là, Nicolas. Genre, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que peut-être que les choses vont changer, parce que c'est vrai que c'est clair que quand on a commencé à voir les patients arriver dans les services d'infectiologie des CHU ou des centres hospitaliers, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. On a attendu une molécule miracle, on ne va pas revenir, hein, mais voilà, on a vraiment attendu qu'il y ait quelque chose. On ne revient pas. Ils ont dit qu'ils n'en parleraient plus. Qui nous fasse passer un palier supérieur immédiat. Et puis, c'est très concret, en fait. C'est de la médecine concrète. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, qui est aussi que cette médecine-là, que les médecins qu'on a en face de nous, ils ont peut-être les mêmes médicaments, médicaments, les mêmes outils, mais en fait la façon dont il les utilise, le moment où il les donne, les décisions, les enchaînements de décisions, ça aussi c'est de l'avancée de connaissance, c'est de l'avancée de la science. C'est peut-être quelque chose qui apparaît moins, qui brille moins, et c'est ce qui fait que nous, en tant que journalistes scientifiques ou les médias en général en ont parlé moins, mais peut-être que ce sera ça la bonne leçon à retenir de cette première vague, ce sera ça. Est-ce qu'il y a eu un problème aussi de lien ou de considération pour tout ce monde de la recherche qui s'est rué ou qui s'est précipité et à juste titre pour trouver cette fameuse molécule miracle en espérant repositionner immédiatement, trouver et avoir immédiatement, c'est-à-dire dans les quelques mois après le printemps, dès le début de l'été, on espérait au début qu'on puisse se repositionner une molécule qui fonctionnerait et qui interromprait la phase virologique de la maladie. Et que du coup, à force de courir comme ça après la carotte, il n'y a pas eu beaucoup de considération pour justement la médecine de ville, la recherche clinique immédiate. Comment vous l'expliqueriez, Maëlle Lemoine ? Je ne crois pas à ça, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une répartition des rôles qui est assez claire. C'est-à-dire que les chercheurs sont justement des têtes chercheuses, c'est-à-dire qu'en fait, ou des francs-tireurs, si on veut, c'est-à-dire qu'ils sont là pour partir en petits groupes, explorer des domaines qui n'ont pas été explorés. Donc, c'est ça leur job. Et une fois qu'ils ont trouvé un endroit qui est intéressant, où il se passe quelque chose, là, ils s'installent et arrivent des plus gros contingents, qui peuvent être l'industrie pharmaceutique, ou plusieurs équipes, etc. etc. Donc ça, c'est un aspect de la recherche. Après, on va dire dans le sillage de ça, donc ça c'est très pionnier, mais ça ne veut pas dire que tout dépend de ça. Ce sont des gens qui cherchent, c'est très juste ce que vous avez dit, je pense que ce sont des gens qui cherchent ce qu'on appelle souvent, on le dit souvent en anglais, l'expression française correspond, une balle magique en fait, magic bullet, c'est une balle qui va tuer la maladie d'un coup comme ça, de façon... Bon. Donc on est tous attirés par ce modèle-là. Alors qu'en fait, on sait pourtant l'histoire de la médecine nous montre que c'est extrêmement rare. Absolument. Que le vaccin contre l'hépatite C, c'est rarissime. Voilà, c'est ça. Alors les vaccins, encore, c'est un assez bon exemple de balle magique où ça fonctionne quand même plutôt bien dans l'ensemble. Après, donc ça, c'est un aspect. Ensuite, je pense pas qu'il y ait de mépris de la recherche clinique. La recherche clinique, on sait qu'en fait, elle va apporter des améliorations qui sont majeures, mais qui sont pas spectaculaires, qui sont souvent pas spectaculaires au sens où vous avez trouvé quelque chose que vous pouvez vendre comme étant le remède absolu, ça va marcher, etc. Mais parfois, les effets sont plus importants que ceux qu'on va avoir sur, par exemple, un nouveau traitement. Simplement, vous avez aménagé, comme vous l'avez bien dit, on va aménager la façon dont on utilise un traitement, les doses, le timing de la prescription, etc. Et ça, c'est majeur. Et quand vous réduisez de 30%, par exemple, parce que vous avez utilisé un médicament plutôt qu'un autre, vous réduisez la mortalité de 30%, c'est énorme. Mais les gens ont envie d'entendre qu'il n'y a plus de morts. Et donc, c'est ça qu'on va médiatiser. Ça voudrait dire, si je résume un peu Nathan Pfeiffer-Majak, qu'aujourd'hui, cette dichotomie des deux mondes où on a d'une part la médecine qui cherche des réponses locales, immédiates, à partir d'un corpus personnel, c'est-à-dire, mais qui est avant tout empirique, à force de pratique, on finit par trouver des solutions, avec de l'autre côté la recherche qui cherche des solutions universelles, totalement théoriques, et donc pas du tout, universelles et théoriques. En fait, aujourd'hui, tout ça, ce diptyque-là n'est plus tout à fait réel, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuum entre la médecine clinique, en tout cas, ou même un peu de ville qu'on voudrait intégrer si on en croit ce qui vient de se dire autour de cette table, et derrière la recherche très fondamentale qui est très loin. Tout à fait, je pense que vous l'avez très bien dit. Il y a un pont qui est évident, c'est celui de la recherche clinique, qui rassemble d'ailleurs des équipes de recherche avec, comme vous le disiez, des statisticiens, des épidémiologistes, des méthodologistes, puisque c'est extrêmement important quand on veut généraliser la connaissance qu'on a acquise en travaillant avec des patients. Il faut une forme de méthodologie, et donc il y a ce pont qui existe et qui est extrêmement fort, et la recherche fondamentale vient peut-être un peu plus loin, mais avec des liens qui peuvent aussi exister. On parle de recherche transversale translationnel parfois, qui est du lit du patient jusqu'à la paillasse. Et c'est important. Et là, je vais reprendre un exemple. Vous avez donné la balle magique. Ça, par exemple, c'est des choses où la pratique médicale et la connaissance médicale, elle était extrêmement importante. Parce que si on revenait à de l'infectiologie qui est simple, qui vient de ce qu'on apprend dans nos études de maladies infectieuses, des traitements spectaculaires contre des maladies virales aiguës, il n'y en a pas. On n'en a jamais eu contre le SARS, on n'en a pas contre le MERS, on n'en a pas contre les hépatites aiguë, hein, puisqu'on a des traitements pour les hépatites chroniques, hein, VHB, VHC, mais quand on voit un patient avec une hépatite C aiguë ou une hépatite B aiguë, y compris une hépatite qui l'amène en réanimation ou qui doit le pousser à se faire greffer un foie, eh bien, on n'a pas de traitement radical. Il n'y a pas de traitement antiviral à la phase aiguë. La grippe, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui meurent tous les ans de la grippe. On n'a pas de traitement efficace. On peut donner un peu de Tamiflu dans les 48 premières heures pour espérer que ça réduise un peu la gravité, mais c'est pas quelque chose qui est miracle. Du tout. C'est même pas quelque chose qui est très efficace. Mmh, mmh. Donc, voilà, loin s'en faut. Donc là c'est il n'y a pas d'antibiotiques contre les virus. On en avait parlé ici. Cet ensemble de connaissances médicales qui fondent finalement et qui parfois inspirent la recherche, il est extrêmement important et je pense qu'il faut y revenir dans une nouvelle pathologie. Est-ce que pour conclure et pour élargir un peu notre champ de discussion, Caroline Tourbe, est-ce qu'il n'y a pas aussi, et là je me replace du point de vue du grand public, quelque chose que disait à mon avis à très juste titre le camarade Étienne Klein sur la différence qu'il peut y avoir entre la science et la recherche, c'est-à-dire que dans l'impensé que le grand public a vis-à-vis de la science est quelque chose qui donne des réponses, qui dit c'est vrai, c'est faux, la Terre est ronde, la gravité ça tombe en bas et ça n'est quasiment plus discutable à la marge près. Or, la recherche, ça n'est pas encore la science qui a intégré ce corpus et qui n'est plus discutable. La recherche, c'est essayer de répondre à des questions. Et on a vu pendant tous ces mois la recherche se faire devant nos yeux, alors que d'habitude on ne parle que des résultats. Mais exactement. Et puis c'était, je pense qu'il y a vraiment, eu une attente d'immédiateté. Et de certitude, on revient aussi au principe de certitude, ce qui fait que pour le grand public, la science, elle est faite de certitude. Or, ce n'est pas le cas. Et clairement, si on devait un peu expliquer rapidement ce qu'est la science, c'est plutôt des certitudes avec un gradient. Et alors, elles sont très, très, très certaines, un tout petit peu certaines. Et puis, ce gradient peut évoluer en fonction de l'avancée des connaissances. Et quand on est très, très haut dans la certitude et dans le gradient, c'est difficile de faire redescendre. Et à l'inverse, on peut grimper très, très vite quand le gradient est en bas ou y rester. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on serait sur quelque chose qui serait fait de certitude, qui a été, à mon avis, un des problèmes dans la diffusion d'informations de la teneur médicale vis-à-vis du grand public. Chaque fois que quelque chose était annoncé, si ça l'était dit une fois, c'était une certitude. Puis quand quelqu'un venait dire quelque chose qui était un peu différent, alors l'autre certitude n'était pas vraie. Enfin, voilà, C'est pour boucler un peu la boucle de discussion, puisque la question que je posais au début, c'est est-ce que la médecine est une science ? En fait, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire est-ce que la recherche est une science ? La recherche n'est pas encore de la science. Pour moi, la recherche, c'est la science. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'irai plus loin que ce que dit Étienne Klein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la science d'un côté et la recherche de l'autre qui vient grossir, disons, la science. Et en fait, la science, c'est la recherche. Donc en fait, la science, en quelque sorte, elle est toujours instable. Et ça, c'est très perturbant, bien sûr, mais c'est ce qu'on comprend quand on y travaille. C'est très difficile à comprendre. C'est qu'en fait, on est dans un domaine où rien n'est certain, tout peut être remis en cause. Alors ça ne veut pas dire qu'on en vient à un scepticisme généralisé, etc. C'est pas ça du tout. C'est simplement que, il y a des choses qui sont plus fiables que d'autres. Il y a des choses des choses qui sont très très robustes. Et celles qui sont très très robustes, ça veut juste dire que la probabilité qu'elles soient renversées est plus faible, mais pas qu'elle est nulle. Tout à fait. Je donne souvent comme exemple, et c'est vrai quand on a ces discussions-là, je prends l'exemple de la théorie de la relativité générale, dont on pense que c'est quelque chose d'extrêmement robuste, et pourtant aujourd'hui encore, il y a des milliers de chercheuses et de chercheurs qui vont essayer aujourd'hui, dont le travaux consiste à essayer de montrer que ça ne marche pas complètement. Parce que ce sera un progrès majeur de le montrer. Un mot de conclusion justement sur cette notion et sur ce lien entre recherche et sciences médicales, Nathan Pfeffer-Smedja. Non, moi je suis d'accord et c'est pour ça peut-être que la médecine et la recherche ou la médecine et la science, c'est pas forcément, enfin la médecine n'est pas qu'une science, c'est-à-dire que bien évidemment il faut qu'on s'inspire au maximum des données qui sont les plus robustes à un moment donné pour faire des choix diagnostiques et thérapeutiques chez quelqu'un, mais on peut pas non plus voir un patient et lui dire bon bah là je vais vous faire un scanner, mais je sais pas finalement si c'est le scanner que je devrais faire ou l'échographie, et puis là je vais vous donner un traitement, mais peut-être ça pourrait être un autre. Donc on est obligé parfois d'adopter, et même s'il faut pas avoir une vision paternaliste, il faut partager certaines incertitudes qu'on a avec les patients, mais on est obligé de faire des choix devant les patients qui se présentent devant nous. Et là, il y a quelque chose qui dépasse un peu la science, ou en tout cas qui est différent dans la pratique médicale. Est-ce qu'il y a un effort à faire de meilleure formation, de meilleur lien entre la recherche, que ce soit via les sociétés savantes, via l'ARS, pour les médecins, et je pense notamment là plutôt aux médecins de ville, aux médecins généralistes, mais pourquoi pas aux médecins hospitaliers aussi ? Ce qui est clair, à mon avis, il y a deux choses. Il faut effectivement probablement renforcer les réseaux de recherche en médecine de ville. Et puis, je pense aussi, ce qu'il faut, c'est peut-être renforcer l'information autour de la démarche médicale par rapport aux patients. Et là, je crois que c'est quelque chose qui a été très mal compris et qu'on a peut-être mal expliqué. C'est comment on fait comment on prend des décisions médicales et à quel point ces décisions médicales, finalement, on les prend en fonction de la science qui elle-même est incertaine. Et ça, c'est peut-être pas facile pour les gens quand ils voient leur médecin, quand ils vont à l'hôpital, de comprendre que toutes ces décisions, bon, on essaye de faire au mieux, mais il y a rien qui est gravé dans le marbre en médecine, puisqu'elle s'appuie sur la science. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Nathan Péfers-Madja, merci Maëlle Lemoine, merci Caroline Tour. Je signale la sortie du hors-série Le Point Santé, comment renforcer son immunité, dans lequel on pourra vous lire. Et puis également, comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver Les Idées Claires. On parle de Covid et de liens entre notre partie, nos gènes néandertaliens et d'éventuels cas graves de la maladie. Tout ça est expliqué dans Les Idées Claires que vous pouvez retrouver en podcast ou sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Jean-Guy Lamège, aujourd'hui La Technique. Demain, pas de prix Nobel, mais c'est tout comme. Nous recevrons la médaille d'or 2020 du CNRS, l'indispensable Françoise Combes, avec qui nous parlerons formation des galaxies, trous noirs, modèles cosmologiques et plein de choses passionnantes. Bref, Bizerreur, Bizquare sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.